Et la contestation du centre hospitalier et du Rouvray ont manifesté dans les rues de Rouen hier, accompagnés de leurs collègues du Havre, d'Evreux et d'Amiens. Ils continuent de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Le cortège n'était pas très fourni dans les rues hier matin. Difficile de mobiliser les troupes après des semaines de lutte. À Amiens, par exemple, le camp de grévistes vient d'être levé après 4 mois de conflit. La forte mobilisation du personnel du centre hospitalier du Rouvray en mars dernier a été déclencheur pour beaucoup. 17 jours de grève de la faim qui ont permis de déboucher sur un accord prévoyant la création de 30 postes dont le tiers seulement est effectif à ce jour. Pour Sébastien Scouette, infirmier et cadre de santé, représentant CGT au centre hospitalier du Rouvray, c'est le reflet d'un manque de considération de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Les manifestants, partis du centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen, près de Rouen, se sont rendus à l'hôtel de ville rouennais où une délégation a été reçue. Les salariés de Novandis et de Marom ont levé leur blocage de la plateforme logistique de Novadis à Viron-Vay, appartenant au même groupe Andros. Sous la menace d'un plan social prévoyant 109 licenciements, plusieurs dizaines de salariés se relayaient depuis lundi 22h. Ce jeudi à 16h30, le site était de nouveau accessible aux camions. La décision a été prise à la suite de l'assignation en référé du délégué syndical CFDT Jean-Claude Amand à comparaître ce jeudi à 9h devant le tribunal de grande instance d'Evreux. Peu importe sa décision, nous a-t-on fait savoir, c'est ce que raconte Jean-Claude Amand. On nous a demandé de lever le blocage pour 16h30 au plus tard. La partie adverse, Novadis, réclamait une amende de 5000 euros et le remboursement des frais de justice. Elle a finalement été déboutée par le juge. En attendant, la grève continue à Marom. C'est ce qu'a rappelé le syndicaliste. Après avoir accueilli les élèves de section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Hamelet à Louviers à l'Assemblée nationale en septembre dernier, Bruno Quettel leur avait donné rendez-vous dans leur établissement pour répondre à leurs questions la semaine dernière. Le député LREM de la 4e circonscription de l'Eure a tenu parole. Député n'est pas un métier mais une fonction, c'est ce qu'il a précisé en réponse à la première des interrogations des élèves. Les autres portaient sur son salaire, 5200 euros par mois, c'est ce qu'il a précisé, sans dire si c'était du brut ou du net, plus une enveloppe mensuelle de 9000 euros pour ses frais sur justificatif. Ses horaires de travail, 17 à 20 heures par jour, les contraintes sur la vie de famille et le comportement de certains élus à l'Assemblée nationale. Il y a une part de théâtralisation dans leur comportement, c'est ce qu'a reconnu le député, tout en insistant sur sa conception de la tenue que doit avoir, y compris sur le plan vestimentaire, un représentant du peuple. Bruno Quettel a également pris un marqueur pour dessiner sur le tableau blanc un plan de l'hémicycle afin d'expliquer la répartition des sièges et de conclure sur le droit de vote qu'auront un jour ces jeunes. Usez et abusez-en. Prenez toute votre place de citoyen dans la société. Ne laissez personne penser et réfléchir pour vous. C'est ce qu'il a notamment déclaré. De 7h jusqu'à 11h hier à Évreux, le boulevard Chauvin, desservant les administrations dont la préfecture et le conseil départemental notamment, était interdit à la circulation. Une cinquantaine de terrassiers et paysagistes avaient bloqué le quartier avec leurs fourgonnettes, pelleteuses et autres poids lourds. À l'appel de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Eure, et de la CNATP, la Confédération Nationale des Artisans des Travaux Publics et du Paysage, plusieurs chefs d'entreprise du département ont manifesté leur opposition à la hausse du carburant qui les concerne directement. Jean-Daniel Auvray, le président de la CAPEB 27, plombier chauffagiste dans le sud de l'Eure, annonce déjà que n'ayant eu aucune réponse au courrier adressé aux 5 députés de l'Eure, sa confédération ira à leur rencontre vendredi prochain devant leur permanence. D'ici là, les deux confédérations laissaient à l'appréciation de leurs adhérents de participer ou non au mouvement des Gilets jaunes ce samedi dans l'Eure. Le potager de Beauménil, commune déléguée de Ménil-en-Ouche, bourdonne d'activité. L'association 1001 légumes en charge de son fonctionnement a ainsi établi en 2008 un partenariat avec le syndicat d'apiculture de l'Eure, présidé par Paul Carpentier, qui réunit environ 400 adhérents pour 5000 ruches. Le SAE dispose ainsi d'un local et surtout d'un terrain au milieu duquel 15 ruches sont installées. Ces équipements permettent de former 20 stagiaires par an, moyennant 14 séances mêlant théorie et pratique. Il n'existe dans l'Eure qu'un seul autre rucher école du SAE, celui de Guy Chainville. Très belle journée sur Cristal.

I'm ready, baby. Think I'm ready now. Electricity. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. Reformation de brouillard cette nuit de ce vendredi 16 novembre qui persiste en cette matinée, surtout sur les plateaux et les collines, avec un vent faible et des températures minimales plutôt douces, entre 6 et 8 degrés ce matin. Grisaille encore en général pour cet après-midi, mais avec une meilleure visibilité et avec quelques rayons de soleil à l'ouest notamment, et des maximales stables comprises cet après-midi entre 12 et 17 degrés. Les blouses noires qui avaient mené la contestation du centre hospitalier du Rouvray ont manifesté dans les rues de Rouen hier. Accompagnés de leurs collègues du Havre, d'Evreux et d'Amiens, ils continuent de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Le cortège n'était pas très fourni dans les rues hier matin. Difficile de mobiliser les troupes après des semaines de lutte. La forte mobilisation du personnel du centre hospitalier du Rouvray en mars dernier a été déclencheur pour beaucoup. Et puis les salariés de Novandie, regroupant les yaourts Maminova ou encore Bonne Maman de Marom, ont levé leur blocage de la plateforme logistique de Novadis à Vironvay, appartenant au même groupe Andros. Sous la menace d'un plan social prévoyant 109 licenciements, plusieurs dizaines de salariés se relayaient depuis lundi 22h. Ce jeudi à 16h30, le site était de nouveau accessible aux camions. La décision a été prise à la suite de l'assignation en référé du délégué syndical CFDT Jean-Claude Amand à comparaître ce jeudi à 9h devant le tribunal de grande instance d'Evreux. Très belle journée sur Cristal. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Bienvenue sur Cristal, il est midi 2. On va jouer dans un instant à la pause déj avec notre première candidate. Je vous rappelle que cette semaine, je vous offre un appareil à raclette qui fait aussi fondu. Voilà, pour passer l'hiver le plus gourmand possible. Vous m'appelez au 02 32 23 53 96. Nous sommes donc avec Evelyne de Pont-l'Évêque. Bonjour Evelyne. Bonjour Aurélie. Une jeune retraitée de 62 ans. Exactement. D'ailleurs, tu es un petit peu stressée là ce midi, oui, tu oui, me disais ça au téléphone. Oui, oui. Bon, tu t'es entraînée à la pause déj? Ben, j'écoute chaque midi. Ah, merci de ta fidélité. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Je suis fidèle à Cristal. Eh ben, merci, ça fait plaisir. Evelyne, donc toute jeune retraitée, ça fait quoi le passage à la retraite? Assez difficile, je m'ennuie un petit peu, c'est vrai. Bon, t'as le temps de t'occuper de tes deux petits-enfants, je suppose? Oui, je les vois régulièrement, c'est vrai. Oui, ils, oui. Ils ont 7 et 3 ans, c'est quoi, fille-garçon? Inès, 7 ans. Mmh. Hugo, 3 ans. Ok, et tu fais quoi avec eux quand tu les vois? Ben, je vais me promener, je vais à la piscine, j'essaie de les distraire le plus possible. D'accord. Et j'en profite pleinement. Mamie gâteau, alors? Oui, plutôt, oui. Oui, mamie poule, oui. Mamie poule, tu les gâtes autant pour manger que pour les gâteaux? Voilà. Pour voilà. Les cadeaux, plutôt? Voilà, ouais, j'essaie, au moins. D'accord. Hein? Alors, Evelyne, aujourd'hui, tu peux emporter un appareil à raclette qui fait fondu. Et ça serait pas mal, oui. Pour 8 personnes. Pour les fêtes. C'est parfait, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire pour les fêtes, hein, si vous savez pas quoi préparer à manger, voilà, pour Noël. Hop là, l'appareil a fondu, comme ça tout le monde est content, généralement le fromage, tout le monde aime ça. Est-ce que tu es prête? On y va. On y va, c'est parti, on Allez. Souffle un bon coup. Hein. Oui. Ça va pas trop stresser, tu passes si tu n'as pas la réponse pour garder le plus de temps possible. 3, 2, 1. Donne-moi 5 ans près l'année de sortie de cette chanson. 87. Quel est le réseau social favori de Donald Trump? Pas USA. Si tu sais. USA. Quel terme désigne un amateur de cinéma? Je passe. Cite-moi au moins un acteur ou une actrice à l'affiche du film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je sais pas, je passe. Quel nom donne-t-on à l'ensemble des soins des mains et des ongles? Manucure. Dans quelle série croise-t-on le personnage de Madame Olson? Je passe. Dans quelle discipline s'illustre la Française Aya Nakamura? C'est compliqué aujourd'hui, je passe. Comment s'appelle le symptôme qui s'applique aux personnes qui refusent de grandir? Je suis nulle. Oh non, t'aurais pu l'avoir en plus. Evelyne, c'est que t'as laissé tomber parce qu'il y a eu des questions, t'as dû passer. Ah oui, non, mais panique là. Tu sais, le syndrome qui s'applique aux personnes qui refusent de grandir, on dit qu'ils ont le syndrome de Peter Pan. Ah d'accord, bah oui. Bon, tu connaissais ça? Bien sûr, bah oui. C'est comme l'amateur de cinéma, on appelle ça un cinéphile. Eh oui. Tout bêtement. C'est que t'as vraiment trop stressé, oui, je crois. Ah ben, totalement. T'as été bouffé par le stress, c'est ce qui arrive hein, généralement quand vous passez à l'antenne, alors qu'il faut pas. C'est comme si, regarde, on est au téléphone toutes les deux. Ben oui, je sais. Je te pose des questions et puis tu réponds, voilà. Bon, ben, ça sera pour une prochaine fois. Alors attends, Evelyne, on connaît pas encore ton score. Non, t'as quand même répondu avec... Il doit être très bas. Hein. On va voir ça d'ailleurs. On va écouter juste Z tout de suite avec Apina. Oui, puis on va connaître ton score dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. pris la direction de Pont-l'Évêque dans le Calvados avec Evelyne. Notre première candidate à la pause déj va-t-elle remporter aujourd'hui son appareil à raclette qui fait fondu? Evelyne? Oui, je suis là. Début difficile hein, dans la pause déj oui, pour toi. C'est difficile aujourd'hui, il hein, faut dire. Beaucoup de stress et les questions en effet n'étaient pas faciles. Non, je trouve aussi. Enfin bon, il y a certaines que j'aurais pu savoir. Il hein, y en a même. D'autres, oui, que tu aurais pu savoir, mais t'as trop... Oui. Il t'est déconcentré par ton stress. Exactement. Bon, en même temps, t'es tombée sur cette question. Dans quelle discipline s'illustre la française Aya Nakamura? Si j'en parle aux ados, si j'en parle à vous les parents qui écoutaient les chansons de vos ados, vous la connaissez. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre un extrait, puisqu'on la passe pas ici sur Cristal, mais c'est celle qui chante « Je suis dans mon comportement baoué » ou encore « Oh, dja dja, y a pas moyen, dja dja ». Je pense qu'il y en a certains, ils doivent se dire « Ah oui, c'est elle, Aya Nakamura ». Bon. Dans quelle série croise-t-on le personnage de Madame Olson? Celle-ci, t'aurais pu l'avoir aussi. Ah oui, la petite maison de la prairie. Mais oui. Ah oui, c'est nul. Mais oh. Oui, tu vois, t'aurais pu l'avoir, celle-ci. Ben oui, bien sûr, tu m'aurais fait écouter la musique. Ah oui, Manon. J'aurais pu te trouver. Mais ça aurait été trop facile. Ben bien sûr, bien sûr. Je te demandais de citer au moins un acteur ou une actrice qui est à l'affiche de film. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 2 va sortir au cinéma le 30 janvier prochain. On peut y retrouver Christian Clavier, Chantal Lobby, Harry Habitant, par exemple. Bon. Alors, quel est le réseau social favori de Donald Trump? Je te demandais un réseau social. Tu connais bien ben... Non? Sur Facebook, par exemple, Instagram, oui. Ah, oui. Snapchat. Oui. Et ben, Donald Trump, c'est Twitter. Il tweet quasiment tous les jours. D'accord, bon. Très. Et pour l'extrait de musique, il fallait reconnaître... C'était Patrick Bruel. Et je te demandais à 5 ans près l'année de sortie de ce titre. Oui. Tu as dit 87. Oui. C'est sorti en 89. Bien joué. Ah. Tu vois, ça te fait une autre bonne réponse. Au moins une. Au moins une. Il y en a eu une autre, hein, bien sûr. Quand on prend soin des ongles et des mains, on parle de manucure. D'accord. Evelyne, ça te fait 2 points aujourd'hui pour la pause déjeuner. D'accord. Eh bien, écoute, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Hein. Oui. Là, je vais être battue, c'est sûr. Si je te dis, ah oui, t'as toutes tes chances aujourd'hui de remporter dans la pause déjeuner, je te mentirais. Oui. Mais c'est vrai que tu laisses la chance au prochain candidat. Hein. Exactement. On va dire que tu es plutôt généreuse ce midi, Evelyne. Tu penses aux autres. Voilà, exactement. Bon, à plus tard, tu viendras rejouer. Hein. Oui, j'essaierai de rejouer, effectivement. Maintenant que tu sais comment ça se passe. D'accord. Merci, je te fais des gros bisous, Evelyne. Passe une belle journée. À bientôt, merci Aurélie. Vous avez juste à faire 3 points aujourd'hui hein, pour battre Evelyne. En une minute, c'est tout à fait possible. Je vous dirais même d'appeler tout de suite hein, au 02 32 23 53 96. Je vous rappelle que vous avez un appareil à raclette qui fait fondu pour 8 personnes qui est à remporter aujourd'hui. Et pourquoi pas gagner 500 euros ce midi si vous faites 10 bonnes réponses consécutives. Vous appelez maintenant pour jouer à la pause déj au 02 32 23 53 96. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Your mind, your heart is too strong.

La poutre,

c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Il faut battre Evelyne aujourd'hui de Pont-l'Évêque. Elle a fait 2 points. Elle a été mangée par le stress. Alors aujourd'hui, pour les prochains candidats, il va falloir faire au minimum 3 points. Bon, notre prochaine candidat, on la connaît tout de suite. C'est Véronique de Saint-Côme-de-Fresnay. C'est tout près d'Arromanche. Bonjour. Bonjour. Véronique, alors Saint-Côme-de-Fresnay, c'est un tout petit village ? Oui. D'ailleurs, je suis en train de regarder des photos. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Après, il y a la mer. C'est ça. Ouais, c'est tout près d'Arromanche. Tu me disais que c'était quand même une ville remplie d'histoire. Oui, oui, oui. Il y a plein de choses à voir. Tu t'y plais ? Oui, oui, je m'y plais. J'y habite depuis quelques années et je m'y plais bien. Bon, et tes filles ? Enfin, tes enfants plutôt, parce que je sais que tu as une grande fille de 18 ans. Oui, bah, l'autre, c'est aussi une fille. C'est aussi une fille, d'accord, elle a 14 ans. Et alors, elles aiment bien Saint-Côme-de-Fresnay ou pas ? Oui, oui, elles aiment bien, elles se baladent, elles vont à la plage. Oui, et puis elles sont à côté d'une grande ville quand même, qui est Caen ? Oui, voilà. D'ailleurs, ta fille est de Bayeux et ta fille fait ses études à Caen. À Caen, voilà, tout à fait. Elle n'a pas encore quitté le Nice ? Non, non, pas encore. Tu sais qu'elle aurait pu prendre son appart étudiant pendant la fac, oui, hein ? Oui, non. Non, non. Et non, parce qu'elle n'a pas trop envie de partir et apparemment, toi, tu n'as pas trop envie de la laisser partir non plus. C'est ça, tu as tout compris. En même temps, elle a tout compris aussi. Hein. Elle fait des économies déjà, dans un premier temps. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on est bien chez tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'on est bien chez papa et maman. Bah, en tout cas, quand je retourne dans ma ville natale, oh, je suis accueillie comme une princesse. Bah oui. Est-ce que tu veux que je te fasse ta lessive ? Puis vous savez, c'est la lessive qui sent bon de chez maman, là. Ouais, j'arrive pas à trouver. J'ai beau prendre la même marque, ça sent pas pareil. Non, et puis, c'est pas pareil. Tu veux manger quoi ? Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien traité quand on est des enfants et qu'on retourne voir les parents. Voilà. Oh là là. Oh, je crois que ça me manque un petit peu. Ne grandissez pas, les enfants, c'est un piège. Ouais, c'est vrai. Véronique. Le rappel des titres sur Cristal. François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. Reformation de brouillard cette nuit de ce vendredi 16 novembre qui persiste en cette matinée, surtout sur les plateaux et les collines, avec un vent faible et des températures minimales plutôt douces, entre 6 et 8 degrés ce matin. Grisaille encore en général pour cet après-midi, mais avec une meilleure visibilité et avec quelques rayons de soleil à l'ouest notamment, et des maximales stables comprises cet après-midi entre 12 et 17 degrés. Les blouses noires qui avaient mené la contestation du centre hospitalier du Rouvray ont manifesté dans les rues de Rouen hier. Accompagnés de leurs collègues du Havre, d'Evreux et d'Amiens, ils continuent de dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Le cortège n'était pas très fourni dans les rues hier matin. Difficile de mobiliser les troupes après des semaines de lutte. La forte mobilisation du personnel du centre hospitalier du Rouvray en mars dernier a été déclencheur pour beaucoup. Et puis les salariés de Novandie, regroupant les yaourts Maminova ou encore Bonne Maman de Marom, ont levé leur blocage de la plateforme logistique de Novadis à Vironvay, appartenant au même groupe Andros, sous la menace d'un plan social prévoyant 109 licenciements. Plusieurs dizaines de salariés se relayaient depuis lundi 22h. Ce jeudi à 16h30, le site était de nouveau accessible aux camions. La décision a été prise à la suite de l'assignation en référé du délégué syndical CFDT, Jean-Claude Amand, à comparaître ce jeudi à 9h devant le tribunal de grande instance d'Evreux. Très belle journée sur Cristal. Et ouais. J'ai tendance à dire William Shakespeare. Check. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le rendre un petit peu plus américain. Alors qu'on dit William Shakespeare. Alors du coup, j'ai mon directeur qui vient de me regarder avec les gros yeux. On dit, ah, dis donc Aurélie. Bon. Ben, j'ai compris quand même. Oui, et puis bon, c'était la bonne réponse du coup pour toi. Alors, l'instrument de musique qui peut être barbarie, c'est un orgue en effet. Alors tu vois, t'as déjà 2 points. Ouais. Bon, tu penses avoir battu Evelyne ou pas ? Oh, bah je pense. Oui ! Oh, modestement, avec beaucoup d'humilité, je pense l'avoir battue. Alors, la sortie de cette chanson, à 5 ans près, tu as dit 96. Ouais. Ah, tu y étais presque, c'était 97. Ouais, bah j'étais pas loin. Bon, c'est bon, ça te fait déjà 3 points. On sait que tu as battu Evelyne. On va connaître ton score, qui m'a l'air d'être plutôt pas mal ce midi d'ailleurs. D'accord. On va regarder ça juste après LP avec Lost on You. Tu restes avec nous ? Oui, je reste là. À tout de suite. À tout à l'heure, merci. Et si vous pensez pouvoir battre aujourd'hui Véronique, hein, vous pouvez déjà vous inscrire au 02 32 23 53 96. Je vous rappelle que je vous offre ce midi un appareil à raclette pour 8 personnes qui fait fondu en même temps. On va se régaler. Burn like embers, fall like tender, long for the days of no surrender. plaisir à réécouter CTLP avec Lost on You. Nous sommes avec Véronique. Oui. Du côté de ton petit village dont j'ai perdu le nom. Saint-Côme de Friné. Voilà, et tu le dis beaucoup mieux que moi, dans le Calvados. Tu dois battre aujourd'hui Evelyne de Pont-l'Évêque. Bon, on le sait, hein, t'as déjà fait 3 points. Oui. On n'a pas encore débriefé toutes les questions. Je te demandais comment appelle-t-on communément le 7e art. Bien sûr, on appelle ça le cinéma. À quel pays appartient la province francophone de Québec? C'est bien le Canada. Je te demandais de citer au moins un membre du jury de la saison actuelle de La France un incroyable talent. Tu m'as dit Hélène Ségaret, il y avait également Eric Antoine, Marianne James ou encore Sugar Sammy. D'accord. La marque automobile à laquelle appartient le modèle DS3, c'était bien Citroën. Je te demandais à 3 ans près l'âge d'Hélène Ségaret. Tu m'as dit 48, elle a 47 ans, bien joué. Oh, pas loin. Comment s'appelle la seule membre féminine des nuls? Chantal Lobby, que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs dans le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 » qui sortira en janvier prochain. Alors tu vois, que des bonnes réponses pour le moment. Oui. Bon, on se dit, ouais, 10 bonnes réponses consécutives qui tomberaient ce midi, ce serait bien. Ben non, je ne t'en ai pas passé une. Mais t'en as passé une et c'est dommage. Parce que si tu l'avais pas passé, si t'avais eu la bonne réponse, t'aurais eu 500 euros, hein. Non. Si. Ah non, faut pas me dire ça. Ah bah si. Dans la religion catholique, quel est le premier des sacrements? Non, tu l'as toujours pas? Bah le baptême. Oui. C'est pas ça. C'était le baptême. Véronique, alors j'ai une bonne nouvelle quand même, t'as fait 9 points, hein, ce qui est un excellent score. Malheureusement, t'es passé mais des 500 euros quoi. Ah ouais. À cause du baptême? Ben oui, que j'avais. En plus? Bah oui. Ah, bon, écoute, Véronique, je suis un petit peu énervée et écœurée pour toi là. Hein. Moi aussi. Tu m'étonnes, ça doit être pire de ton côté, j'imagine bien. Alors Véronique, bon, déjà il y a un appareil à raclette à remporter hein, dans quelques instants. On saura dans quelques minutes si c'est toi la gagnante ou pas. Il faudrait que le troisième candidat, et c'est peut-être vous, fasse au moins 10 bonnes réponses. Et pourquoi pas consécutives pour cette fois remporter 500 euros et ne pas faire comme Véronique. Ouais, oui. Elle va m'en vouloir. Non, bon, on te rappelle tout à l'heure si tu n'es pas battue. D'accord. Je te fais de gros bisous. Moi aussi. Non, là, c'est pas vrai ce que tu es en train de me dire. Arrête, tu ne penses pas là. C'est pas de sa faute. C'est pas moi le jury et l'arbitre, hein. C'est Jocelyne. Hein. C'est de sa faute. Bon, Véronique, peut-être à tout à l'heure. D'accord, merci, à tout à l'heure. La nuit. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal.